On va parler avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Phil, hier, c'était les 10 ans de Bobby Nadeau et Jonathan Roy. Tu étais l'analyste. Hier, j'ai parlé avec Michel Tifo parce que j'expliquais que les matchs avaient été. À l'époque, il y avait des matchs des Saguenay, un match par mois. Le vendredi, à l'époque, c'était TQS essentiellement V. Et tu étais l'analyste de ce match-là. Comment tu l'avais vécu, toi, ce match-là? Ben, moi, écoutez, quand je regarde un peu la situation, c'était une grande rivalité Québec-Chicoutimi, rivalité Patrick Roy-Richard Martel. C'était une série attendue, il y avait énormément de gens. Et tout le monde savait que les Saguenay auraient pu pouvoir gagner cette série-là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On avait un aussi bon club que les Remparts de Québec. Mais cette fameuse foire générale qui avait eu lieu à Chicoutimi, sans dire qu'elle était planifiée, c'était quand même prévisible qu'il y aurait quelque chose qui pouvait se passer dans l'air parce qu'il y avait quand même beaucoup d'atmosphère et beaucoup de fébrilité au centre Georges Vézina ce soir-là. OK. Et faut dire aussi, Phil, que il y avait une rivalité terrible. Ça a changé complètement cette série-là, hein? Ah, c'est sûr que cette série-là, rappelez-vous que ça avait lieu la fin de semaine de Pâques. Ouais. La fin de semaine où il n'y a rien presque des médias. Mm. Et cette histoire-là était en boucle presque 24 heures par jour pendant 3 jours de temps. Donc, l'affaire est devenue très grosse. La preuve de ça, c'est que les Remparts de Québec s'étaient même engagés une équipe de gens pour traiter la situation, une relation de presse, une Non, ouais. conférence de presse, tout ce que vous voudrez, alors que l'organisation des Saguenay, à ce moment-là, n'avait rien fait. On s'était presque resté en catimini, on voulait pas parler, on voulait pas faire de déclaration ou pas, alors que les Remparts de Québec, avec Jacques Tanguay et eux autres, ça a été la grosse déclaration, ça a été le gros point de presse. T'sais, ils ont tenté de mettre ça de leur bord, alors qu'en réalité, c'est eux qui avaient provoqué vraiment cette situation-là. Mais ça demeure quand même, effectivement, que c'était l'histoire. Moi, ce que je retiens de cette série-là, moi, je pense que ça s'est joué lors de cette mêlée générale-là. Parce que le défenseur des Saguenay, je ne me rappelle pas de son nom, malheureusement, il était numéro 24, lui, quand il a vu que Bobby Nadeau était en train de se faire matraquer, puis Richard Martel retenait ses joueurs au banc, il ne voulait pas que ses joueurs sautent sur la glace. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé, toi? Le gars sorti du banc des punitions, déjà, on ne peut pas le retenir, celui-là. Il n'était pas au banc. Et lui, il est allé directement chez Bobby Nadeau pour prendre la relève, un Roy pour prendre la relève de Bobby Nadeau. Et ce gars-là a été suspendu. C'était notre meilleur défenseur. Puis Bobby Nadeau a été énormément affecté par cette situation. La preuve, c'est qu'il n'a jamais été le même gardien après pour les Saguenay. Mais Phil, Bobby Nadeau a parlé, il a donné une entrevue, c'était au FM 93 à Québec, et il a mentionné que ça a pris des années à s'en remettre de cet Ah événement. oui, écoute, on en parle encore 10 ans Ah ouais, puis ça soulevait des passions. Hier, sur les médias sociaux, hier, je l'ai rappelé, puis il y avait des rivalités, tu vois qu'il y avait une grosse rivalité entre les deux équipes, Ah, là. écoute, Richard Martel, c'est un personnage. Patrick Roy, c'est un personnage. Les deux ne voulaient pas laisser la place à l'autre. Moi, je pense que là-dedans, le grand perdant, ça a été un peu Richard Martel. Parce que Richard était reconnu pour un gars qui ne gênait pas pour dire « C'est le temps qu'on se batte, on se batte. » Alors que lors de cette confrontation-là, tout ce qu'il a fait, il retenait ses joueurs, il ne voulait pas que ses joueurs embarquent sur la glace. Moi, je pense que si Richard aurait poussé ses joueurs à envoyer sur la glace, ça aurait pas été le même événement, là. Et là, tout a changé. Les spectateurs sont devenus étaient frustrés parce que les joueurs des Saguenay n'étaient pas allés au combat. Et moi, je pense que Richard pensait l'inverse. Lui, il pensait que c'était mieux de garder ses joueurs. Sauf que le joueur le plus important là-dedans, lui, a quitté le banc. Et c'est un automatisme, ça. Immédiatement, les suspensions sont arrivées dans le cas de ce joueur-là. Et malheureusement, ben, ça a été le début de la fin pour les Saguenay dans cette série-là. Et donc, c'était quelque chose de Parce que très. la Ligue junior majeure aussi, c'était une tâche, là. Ouais. Je veux dire, on tentait d'éliminer les batailles et à la période où j'ai arbitré, 8-10 batailles par match, c'était régulier, là. Dans ce temps-là, on était rendu à 3 batailles par match. Maintenant, on est à moins d'une bataille par match. La Ligue ne voulait pas ce genre de spectacle. Malheureusement, elle a été pris là-dedans. Et il y a une chose qu'il faut regarder. Le gars qui était impliqué le plus là-dedans, c'était Patrick Roy. Et Patrick Roy, c'était un monument au Québec. Donc, à ce moment-là, tous les médias étaient là-dessus, là. Et je pense que de ce côté-là, il a bien joué ses cartes. Oui, puis tout ce que Patrick faisait, c'était grossi par deux, là. Ah, ouais, Puis deux par trois, puis c'était par quatre. grossi à 10, Puis même. Oui. Fait que ça, c'est... Hey Phil, je veux te parler du Rocket de Laval. Cette semaine, on a fait le bilan du Rocket de Laval. Oui, j'ai vu ça, oui. Et comment t'as trouvé ça? C'est assez particulier. Est-ce que... le club, ça fait la sixième année consécutive. On fait pas les séries au cours des six dernières années. On en a fait qu'une fois. Et là, on est satisfait de ce qui s'est passé. Moi, je suis comme toi, Danny. J'ai resté un peu estomaqué de voir ce que le DG disait de son équipe. La seule chose qui a été un succès cette année, là, c'est les foules. L'assistance. Ouais. Il fallait s'attendre à ça, que l'assistance soit là. C'est un nouvel amphithéâtre. C'était à Laval. Il y a quand même beaucoup de monde. Tout le monde voulait aller voir le nouvel amphithéâtre. Mais je peux te dire tout de suite, là, s'ils connaissent pas plus de succès l'an passé, là, l'an prochain. La nouveauté, l'éléphant. Centre Vidéotron, là. Eh bien, c'est pas cette date, là. Ben oui, oui. Puis, tu sais, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y aurait plus de Québécois que ça, tu sais. Moi, plutôt, là, Phil, le troisième, quatrième trio devrait être des Québécois, tu sais. Puis, là, on met la faute encore sur l'histoire des blessures. Mais les blessures, écoute, tout le monde a des blessés, là. Ça fait partie de la Ligue américaine, là. Non, puis pas avec ça non plus. Puis les rappels de clubs aussi, ouais. Dans la Ligue nationale, ça fait partie de ça. Puis les joueurs qui étaient rappelés régulièrement... quand on regarde un peu la situation, il n'y en a pas personne qui s'est démarqué de façon extraordinaire. Il y a peut-être le numéro 20 qui est son nom échappe, qui venait de la Ligue nationale, là, OK. Mais honnêtement, quand je regarde c'est ça... C'est Chris Terry. Il y a Chris Terry qui a bien joué, mais tu sais, c'est un gars de la Ligue américaine, non? Exact. Donc, moi je pensais honnêtement qu'on tenterait d'amener les Québécois, puis qu'on tentait... comme on a fait avec Nicolas Deslauriers, on tenterait peut-être d'amener certains joueurs qui sont étiquetés de Ligue américaine pour donner au moins un peu de notoriété à l'équipe et donner également à certains jeunes joueurs de l'expérience autour de l'équipe. Mm. C'est pas tout à fait ce qu'on a fait. Les résultats sont pas là. Et malheureusement, ben encore une fois, pour la sixième année, moi j'ai l'impression que j'espère que son séjour est terminé. Ben non. Il y a une rumeur qui le fait qu'il pourrait même être derrière le banc avec... Canadien l'an prochain. En tout cas, c'est sûrement pas ses performances à Laval qui va monter dans la Ligue nationale. Mais écoutez, c'est pas moi qui prends les décisions de ce côté-là, mais ça demeure quand même... particulier. C'est particulier le résultat qu'eux en font de cette première année à Laval. Mais puis tu sais, les jeunes, tu sais, le développement des jeunes, Phil, là, quand tu grandis dans la défaite, c'est pas bon. Là. Non, effectivement, t'as parfaitement raison. C'est pour ça que t'as dit, moi, j'aurais pris une coupe de bons vétérans permettent à l'équipe de gagner, puis quand tu vis dans un esprit gagnant, ça donne actuellement de bons résultats. Et c'est pas le cas chez les Canadiens, le Rocket à Laval. Mm. C'est plus négatif que d'autres choses. Comme on était un peu à Saint-Jean, la même chose, c'était négatif. Moi, personnellement, là, quand je regarde la situation, c'est vraiment un bilan que moi, honnêtement, je trouve assez particulier. Je sais pas s'il voulait sauver sa job en faisant ce genre de bilan-là, mais ça n'a pas été très, très impressionnant comme bilan, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas personne qui a dit qu'il y avait raison ou des choses comme ça. Ben on a rapporté ses paroles, pas d'autre chose. Ben non, puis Jeff Molson, quand il dit qu'il y a un ménage à faire, je pense que ça commence à mon égard à Laval, dans le club ferme. C'est la base en 2018. Hey, en terminant, je veux te parler de baseball un peu. 60 000 personnes pour deux matchs, c'est très bon, hein? Moi, je trouve ça excellent. Lundi, mardi, là, les années antérieures, on voyait ça les fins de semaine. Danny, t'en étais un qui était déjà allé. Ouais. Il y a beaucoup de gens de la région qui y allaient. Mais là, le lundi, mardi, là, il y a personne qui peut y aller, là. Mais non. Les gens travaillent. On n'est pas en période de vacances, là. Mm. Si on avait fait ça la fin de semaine de Pâques, là, j'aurais dit, lundi de Pâques, c'est congé. À ce moment-là, peut-être des gens y seraient allés. C'est pas long. Déjà, 60 000 personnes. Je trouve que c'est déjà un très, très, très grand succès, il n'y a aucun doute. Puis là-dessus, Phil, aussi, il ne faut pas oublier que ça commence à être usé, là. Il va falloir passer une autre étape. Quand tu vois qu'il va y avoir des matchs à Londres, tu sais, mener un match de saison régulière, pourquoi pas? T'sais, on est rendu là, je pense. Il va falloir, effectivement, qu'il y ait un vrai match, là, pour que ça compte pour le vrai et que ce ne soit pas nécessairement des joueurs d'utilité qui y participent. Oui. Phil, on se reparle vendredi prochain. Commentaire de malade de Phil Desgagnes.